page. Merci d'être fidèle à la première. Tout de suite, c'est l'heure d'Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Cette semaine, retour sur la bombe. d'Enola Gay à Farm Hill, une histoire mortelle. Il est explicitement dit que le fonctionnement d'une uranium machine allait engendrer l'élément 94 qui serait facilement séparable et dont on disait qu'il pourrait servir à fabriquer une bombe atomique. Il nous garde secrètement, nous n'avons aucun recours légal. Otto Hahn, Max von Laue, Heisenberg, Gerlach, Hartig, Wirtz, Korsching, Bagge, Liebner. Le 1er mai 1945, des scientifiques allemands sont enlevés par une unité anglo-américaine placée sous la responsabilité du major Reitner à Eschingen, en pleine forêt noire. C'est là que la plus grande partie du Kaisern Wilhelm Institute für Physik, et particulièrement son réacteur nucléaire, ont été déménagés après que l'intensité des bombardements alliés ait imposé son transfert hors de Berlin. Major Reitner et son curieux équipage atterrissent à Versailles, près de Paris, le 7 mai 1945. Les savants allemands sont au nombre de 6. Les professeurs Otto Hahn, Max von Laue, les docteurs Karl Friedrich von Weizsäcker, Karl Wirtz, Emil Bagge et Helmut Korsching. Major Reitner au lieutenant commander Michael Perrin, opération Epsilon, Versailles, 7 mai 1945. À l'arrivée à Versailles, je me suis présenté au G2 et j'ai appris que le groupe devait être placé en détention au centre appelé Poubelle 1 au château du Chesnay. Ce centre a été aménagé pour interroger des savants et des industriels nazis. À mon sens, ces conditions sont très mauvaises. Il semble impossible de les y tenir à l'écart des autres. Le danger est très grand qu'ils aient des contacts indésirables. En outre, on n'y trouve que des lits de camp, et il n'y a pratiquement aucun autre mobilier. La nourriture est composée de rations ordinaires pour prisonniers de guerre. Il est impossible de mener à bien ma mission dans cet endroit. J'ai réussi à calmer les professeurs qui ont accepté la situation avec autant de bonne volonté que possible, et je leur ai promis de faire de mon mieux pour qu'ils soient transférés ailleurs au plus vite. 8 mai 1945. Malgré l'atmosphère générale de vacances à Londres après la déclaration de l'armistice, j'ai réussi à contacter le QG par téléphone et à expliquer la nouvelle situation. Nous avons décidé de ramener le groupe à Reims, rue Gambetta. Deux autres savants allemands vont rejoindre le groupe, le professeur Werner Heisenberg, prix Nobel de physique 1932, et le docteur Karl Dimner, responsable des recherches en vue de la fabrication de la bombe atomique allemande. 9 mai 1945. La situation au château du Chesnay devient de plus en plus difficile. Les professeurs sont de plus en plus indignés d'être traités, selon eux, en criminels de guerre. Le professeur von Laue a pratiquement fondu en larmes. En dépit du fait que d'autres savants allemands se trouvaient dans la place et étaient interrogés par des officiers britanniques et américains, j'ai pu éviter que l'identité de mon groupe ne soit révélée. J'ai refusé de remettre une liste nominative. J'ai interdit tout contact avec eux. 10 mai 1945. Les professeurs sont devenus de moins en moins coopératifs. Ils m'ont supplié de contacter le professeur Joliot à Paris, qui, m'ont-ils assuré, les aiderait. Bien entendu, cette requête a été refusée, et je leur ai dit qu'ils devaient être patients et qu'on faisait pour eux tout ce qu'il était possible de faire. Pour alléger un peu leurs conditions de détention, je les ai emmenés par petits groupes à Versailles visiter les jardins et le château. Lors d'une visite à la Galerie des Glaces, un guide demanda à voir leur carte d'identité. Nous sommes partis sur le champ. Pour le major Ettner, la situation ne fait que se compliquer. Un ordre est tombé du haut commandement. Aucun prisonnier allemand ne doit bénéficier d'un quelconque traitement de faveur. De récents articles de presse décrivant des traitements par trop favorables envers le maréchal Göring en sont la cause. L'opinion publique se montre particulièrement réactive à de telles informations. Le MI5 a donné des instructions. Les professeurs sont déplacés et installés Villa Argentina, 89 allée du lac inférieur au Vésinet. Une grande maison sur un terrain privé. Un déménagement qui change l'atmosphère du groupe. L'ambiance redevient cordiale. La seule tension notable est ce jour où le sous-sol de la villa a été inondé. Un plombier français est venu réparer. Il s'est montré très bavard, très curieux. 12 mai 1945. J'ai adressé un câble au QG demandant urgemment que tout soit fait pour transférer le groupe en Angleterre. Il est évident qu'on ne trouvera pas d'endroit sur le continent où mener à bien la mission. Quantité de rumeurs courent parmi les soldats américains et les civils français concernant l'identité du groupe. J'ai été accusé de cacher le maréchal Pétain. Ils font répondre aux questions d'un grand nombre de personnes, y compris le propriétaire de la villa, qui, ayant appris par le concierge que sa propriété était occupée, est venu en toute hâte de Paris. J'ai réussi à répandre le bruit que mon groupe était composé de militants anti-nazis actifs que nous gardions pour leur propre sécurité. 17 mai 1945. Les professeurs passent leur temps à travailler dans leur chambre ou à prendre le soleil dans le jardin. Ils se passionnent pour l'exercice physique. Même les plus âgés, comme Hahn ou von Laue, courent solennellement autour du jardin à 6 heures du matin en caleçon. Ils se réunissent les mardis et les vendredis dans la pièce commune pour écouter une conférence prononcée par l'un d'entre eux. J'ai pu leur fournir des livres, des revues techniques et des jeux. Un repérage en Belgique dans un château près de Liège, projet abandonné car devant passer sous peu sous la direction des autorités militaires américaines locales, tout devant être conforme aux ordres du général Eisenhower concernant le traitement des prisonniers ennemis. Le MI5 presse le major Ritner de trouver une solution. La Villa Argentina doit être rapidement libérée pour y installer des agents des services secrets britanniques. Les jours suivants, toute une série d'ordres et de contre-ordres. La situation semble chaotique. Pour éviter au groupe de sombrer dans un état dépressif, le major Ritner parvient à dégoter une TSF. Nous sommes ici, chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer du casse-terre de ses mains. Non, nous ne subirons pas cette émotion profonde et sacrée. Opération Epsilon. Major Ritner au lieutenant-commandeur Michael Perrin. Copie au commandant Eric Welch. L'ambiance s'est nettement améliorée au milieu des savants. 9 juin 1945. Les professeurs ont été très préoccupés après avoir lu dans le journal que les Russes étendaient leur zone d'occupation en Allemagne. Le docteur Dibner est devenu presque hystérique quand il a appris que la ville de Stadtilm, où se trouvaient sa femme et son fils, allait passer sous occupation russe. Il m'a supplié, avec des larmes dans les yeux, de faire déplacer sa femme et son fils vers la zone anglaise ou américaine. Je lui ai fait remarquer que ses activités passées pouvaient difficilement nous inciter à lui faire une faveur, mais je lui ai dit que j'allais voir ce qu'on pouvait faire. Entre-temps, le professeur Heisenberg m'avait dit que Madame Dibner avait travaillé avec son mari, qu'elle connaissait tout de ses travaux et des travaux des autres, et qu'il pensait que ce serait chose très malheureuse si elle venait à tomber entre les mains des Russes. J'ai donc câblé cette information au QG en demandant à ce qu'on déplace sa famille. Les jours suivants, le docteur Dibner afficha des signes de désordre mental. Il nous menaça d'abord de s'évader, puis voyant que c'était impossible, il menaça de se suicider. Il fut très soulagé quand je pus lui dire que sa famille avait été transportée à Neustadt, près de Cobourg. Cette nouvelle le secoua tellement qu'il demanda à être emmené à l'église, tout en reconnaissant qu'il n'avait pas de religion et qu'il n'avait pas été à l'église depuis des années. Je l'ai emmené à la messe à l'église du village le dimanche suivant, où il fit sensation, étant habillé comme pour une procession. Juin 1945. Les professeurs sont redevenus très, très peu coopératifs. Ils m'ont laissé entendre que le moment allait arriver où ils prendraient des mesures désespérées pour faire savoir au monde ce qui leur arrivait. Ils n'ont pas dit à quelles mesures ils pensaient, mais ils ont dit qu'ils m'avertiraient en temps et en heure. Ils font preuve d'une certaine loyauté à mon égard, par reconnaissance pour ce que j'avais pu faire pour eux. Ils m'ont garanti qu'ils ne reprendraient pas leurs paroles sans m'en avertir au préalable. J'ai eu une longue conversation avec le professeur Heisenberg, c'est le plus raisonnable d'entre eux. Il m'a dit que leur principal sujet d'inquiétude concerne leur famille, dont ils sont sans nouvelles. Il m'a également dit qu'ils se doutaient que leur valeur potentielle était jugée en fonction des documents qu'on avait trouvés dans leurs instituts de recherche. Heisenberg me dit que ces documents ne reflétaient pas correctement la portée de leurs expériences qui, selon lui, étaient allées beaucoup plus loin, et il me dit qu'ils avaient avancé encore davantage depuis leur détention en raison de leur rapprochement et de la mise en commun de leurs informations. Il m'a supplié de lui donner la possibilité d'en discuter avec des savants américains et britanniques afin qu'ils puissent leur faire part de leur dernière théorie et pour qu'ils puissent préparer un programme de coopération pour l'avenir. Le professeur Heisenberg et le docteur Hartek ont suggéré que le professeur Bonhoeffer de Leipzig soit invité à se joindre à eux. Ils ont dit qu'il était un anti-nazi actif qui avait travaillé avec eux et qu'il ne serait pas sage de le laisser tomber entre les mains des Russes. J'ai transmis cette information au QG par câble. Les professeurs ont demandé à nouveau l'autorisation d'écrire à leur famille. J'ai dit que j'allais essayer de me débrouiller pour que leurs lettres soient acheminées. Après censure, je les ai transmises. Mais ce 15 juin 1945, la nouvelle tant attendue par le major Rittner tombe enfin. Le commandant Welch m'a dit par téléphone que l'autorisation avait été donnée d'amener les professeurs en Angleterre. Il m'a demandé de venir aussi vite que possible inspecter Farm Hall. Farm Hall. Farm Hall. À ce jour, la mission du major Rittner est un succès. Les professeurs ont été détenus pendant 10 semaines sans qu'aucune personne non autorisée n'ait appris leur identité ou leur lieu de détention. Un assez bon état d'esprit a été maintenu. D'autres savants allemands sont désormais arrivés. Ils sont à présent 10. Ces 10 semaines ont par ailleurs permis au major de se faire une idée des personnalités du groupe. Veuillez trouver ci-dessous de brefs rapports de personnalité. Max von Laue. Un homme timide et doux. Il ne comprend pas les raisons de sa détention. Il a été extrêmement amical. Il est très bien disposé à l'égard de l'Angleterre et de l'Amérique. Otto Hahn. Il a été le plus serviable de tous. Son sens de l'humour et son bon sens ont sauvé la situation en plus d'une occasion. Il est vraiment très bien disposé à l'égard de l'Angleterre et de l'Amérique. Werner Heisenberg. Amical et très serviable. Il est, je crois, vraiment pressé de coopérer avec les savants britanniques et américains, bien qu'il ait parlé de passer chez les Russes. Walter Gerlach. Quelqu'un de très gai et de bonne composition. Semble réellement disposé à coopérer. Paul Hartek. Une personne charmante qui n'a jamais causé aucun problème. Son seul vœu est de se remettre à son travail. comme il est célibataire, il s'inquiète moins que les autres des conditions de vie en Allemagne. Kurt Dimner. Très amical, mais c'est quelqu'un de désagréable. Il ne faut pas lui faire confiance. Il est détesté par tous les autres, sauf Bag. Karl Friedrich von Weizsäcker. C'est un diplomate. Il a toujours été très amical et coopératif. Je pense qu'il est vraiment disposé à travailler en Angleterre et en Amérique, mais c'est un bon Allemand. Karl Wirtz. Un égoïste. Très amical en surface, mais on ne peut pas lui faire confiance. Je doute qu'il coopère, à moins qu'il n'y trouve un intérêt. Erich Bag. Un jeune homme sérieux et très travailleur. Il est complètement allemand. Il est peu vraisemblable qu'il coopérera. Son amitié avec Dibner laisse planer un doute sur lui. Horst Korsching. Une énigme totale. Semble morose et maussade. Ne parle que très rarement. Il est devenu plus humain, cependant, depuis son arrivée en Angleterre. Farm Hall, un cottage à Godmanchester, près de Huntington. C'est ici que les 10 savants atomistes allemands vont être mis au secret et placés sur écoute de juin à décembre 1945. Des écoutes retranscrites, classées top secret, et restées inaccessibles jusqu'à leur entrée dans le domaine public en février 1992. Auparavant, seuls quelques extraits avaient été publiés dans les mémoires du général Groves, responsable militaire du projet Manhattan, devant mener les États-Unis à la fabrication de la première bombe atomique. Lors de la publication des transcriptions de Farm Hall, un physicien, Sir Charles Frank, écrit: la principale raison pour laquelle j'ai été choisi pour rédiger cette introduction et que je suis, me semble-t-il, la dernière personne encore en vie en Angleterre qui ait déjeuné avec les détenus pendant leur séjour à Farm Hall. Je connaissais la plupart d'entre eux pour avoir passé 18 mois au Kaiser Wilhelm Institut für Physik à Berlin, de l'automne 1936 à l'été 1938. Ainsi, j'avais travaillé dans le même laboratoire que von Lau, von Weizsäcker et Wirtz. Karl Wirtz et moi étions de bons amis. Otto Hahn était voisin et je crois bien que nous sommes allés plus d'une fois écouter ses séminaires. Quant à Heisenberg, un certain nombre d'entre nous avaient eu l'occasion de se rendre à son institut à Leipzig pour une série de séminaires. J'avais également déjeuné chez lui une fois. En revanche, je n'avais jamais rencontré ni Dibner, ni Korsching, ni Bag auparavant. Ma visite du 2 novembre 1945 n'a rien donné pour qui écoutait, qui valut la peine d'être enregistré. En fait, Wirtz m'emmena après déjeuner dans le jardin, m'expliquant qu'ils s'y sentiraient mieux pour parler en privé. Ils avaient trouvé des fils électriques douteux dans la maison, derrière une armoire. Je ne sais plus ce que je lui répondis alors. J'ai certainement dû accommoder la réalité à ma façon, car je n'aime pas mentir. Je savais bien entendu qu'il y avait des micros dans la maison. Le commandant Welch m'avait montré les transcriptions. Bien sûr, je ne pouvais pas laisser entendre que je les avais vus. I could not admit to knowing it. Le dossier des transcriptions de Farm Hall semble avoir été constitué à partir de diverses sources. Sur les documents originaux sont apposés les tampons du ministère de la Défense datés du 14 février et du 5 mai 1978. La date finale d'enregistrement est le 6 février 1992. Il aura en tout et pour tout existé 8 copies de ce rapport. Pour ceux qui auront pu le constater, il apparaît que bien des pages sont très pâles, parfois à peine lisibles. À l'évidence, il s'agit d'énièmes copies carbone. Un exemplaire a été conservé à Washington dans les dossiers du Manhattan Engineer District. Il s'agit des copies adressées au général Groves. Toutes les pages du document portent le tampon top secret ainsi que le tampon de déclassification. Certains rapports ne sont pas identiques et sont tapés sur une machine à écrire différente. Le conservateur actuel à Washington a fait savoir que le général Groves en avait fait redactylographier certains par sa secrétaire privée pour les distribuer ensuite en petit nombre à des personnes concernées. Le général Groves avait une grande réputation concernant la sécurité. Il ne faisait pas photocopier les documents sensibles qu'il aurait fallu faire sortir de son bureau. On redactylographiait dans son bureau. Mrs. O'Leary, chargée de ce travail, a redactylographié les documents en respectant à l'extrême le texte original, ligne à ligne, mot à mot, allant jusqu'à reproduire les ratures sur certains passages en tapant des croix par-dessus les mots concernés. Les experts ont aussi remarqué une fantaisie que s'est un jour accordée Mrs. O'Leary, remplaçant Reims, la ville de Reims, R-E-I-M-S, par R-H-E-I-M-S. Au total, le texte de Washington apparaît plus complet et plus lisible. Sir Charles Frank, physicien britannique. Quelles sont les raisons de cette détention? Tout au long de la réalisation du projet Manhattan, dirigé par le général Leslie Groves, qui devait conduire à la fabrication des bombes atomiques aux États-Unis, les participants à ce projet étaient convaincus de mener une course contre les Allemands, ces derniers ayant pris de l'avance avec la découverte par Otto Hahn de la fission nucléaire à la fin de l'année 1938. La mission Alsace, forêt sacrée en Grèce, placée sous la direction scientifique de Goudsmit, était chargée, en suivant de près les forces alliées qui envahissaient l'Allemagne en 1944, de trouver et d'enlever le personnel, les documents et le matériel ayant pu servir au programme allemand de fabrication de la bombe atomique. Bien que, dès novembre 1944, Goudsmit ait rassemblé suffisamment d'indices permettant de conclure que l'Allemagne n'était pas en train de fabriquer la bombe, beaucoup de responsables, surtout en Amérique, refusaient de le croire et la mission fut prolongée avec des objectifs pratiquement inchangés qui, au minimum, restaient des objectifs de renseignement. Les 10 personnes dont il va être question ici ont été choisies par Goudsmit. Parmi celles qui avaient été enlevées, principalement à Eichingen, par une unité anglo-américaine. Unité qui était parvenue jusque-là à travers une brèche dans le front allemand sous le commandement du colonel Boris Pasch, principal officier d'Alsace. Eichingen se trouve à l'est de la forêt noire. C'est là que la plus grande partie du Kaiser Wilhelm Institut für Physik, et particulièrement son réacteur nucléaire inachevé, avait été déménagé après que l'intensité des bombardements alliés eût imposé son transfert hors de Berlin. Après leur enlèvement, de nombreuses discussions de très haut niveau de part et d'autre de l'Atlantique ont dû avoir lieu pour décider du sort de ces savants. Toute action, entreprise pour les libérer ou pour en arrêter d'autres, ou même pour faire connaître leur situation, pouvait attirer l'attention sur les bombes atomiques, dont deux exemplaires de types différents étaient pratiquement prêts pour des essais. Il était gênant de les garder en France, ils avaient été enlevés sur une partie du front qui devait, par la suite, être occupée par les forces françaises, et la France elle-même s'intéressait à l'énergie nucléaire. Un général américain alla même jusqu'à proposer la solution la plus simple, les abattre. C'est M. Jones qui fit observer que Farm Hall, qui appartenait au service secret britannique, était maintenant libre et que cet endroit conviendrait parfaitement pour les y loger. Il suggéra également qu'on place des micros avant leur arrivée. Cette pratique était devenue courante lorsqu'on avait affaire à des prisonniers de guerre de première importance. L'expérience avait montré que les conversations privées des prisonniers pouvaient être plus instructives que des interrogatoires. Quant aux réserves éthiques concernant de telles pratiques, 5 années de guerre en étaient venues à bout. Ces savants étaient tous des civils, bien entendu, et nullement des prisonniers de guerre, mais ils étaient formellement employés par un organisme classé comme important pour la guerre, Kriegswichtig, et placé sous l'autorité suprême du Reichsmarschall Göring. Of Reichsmarschall Göring. Cette saga radiophonique était réalisée par Jérôme Nussbaum, avec les comédiens Pierre Arbel, Thierry Joran, Mauro Bellucci, Valentin Rossier, Thierry Joran, Nicolas Rénuit, Oscar Sfaludi, ainsi que Jacques Mourican. Demain, la suite de ces conversations secrètes captées dans le cottage de Farm Hall par les officiers britanniques à l'écoute des savants atomistes allemands kidnappés. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.